La Vachère, de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La Vachère. Le mouchoir sur la nuque et la jupe lâchée, dès l'aube, elle est venue au package de loin, mais sommeillante encore, elle s'est recouchée, là, sous les arbres, dans un coin. Aussitôt elle dort, bouche ouverte et ronflante. Le gazon monte autour du front et des pieds nus. Les bras sont repliés de façon nonchalante et les mouches rôdent dessus. Les insectes de l'herbe, amis de chaleur douce et de sol attiédi, s'en viennent à vol lent, se blottir par essaim sous la couche de mousse qu'elle réchauffe en s'étalant. Quelquefois, elle fait un geste gauche, avide, effarouche autour d'elle un murmure ameuté, d'abeilles, mais bientôt, de sommes encore avides, se tourne de l'autre côté. Le package, de sa flore lourde et charnelle, encadre la dormeuse à souhait, comme en lui. La pesante lenteur des bœufs s'incarne en elle, et leur paix lourde en son œil lui. La force, bossuant de nœuds le tronc des chaînes, avec le sang éclate en son corps tout entier. Ses cheveux sont plus blonds que l'orge dans les plaines et les sables dans le sentier. Ses mains sont de rougeur crue et rêche. La sève, qui roule à flots de feu dans ses membres hâlés, bat sa gorge, la gonfle et lente la soulève, comme les vents lèvent les blés. Midi d'un baiser d'or la surprend sous les saules, et toujours le sommeil s'alourdit sur ses yeux, tandis que des rameaux flottent sur ses épaules et se mêlent à ses cheveux. Fin de La Vachère.